sur Skyrock.

bonnes vacances. Y'a tes enfants, we close. Elle m'a rani, chantina. Goulie, elle va s'en. Hey,

passe de bonnes vacances. Carise DJ Kiz, Arafat en friamento. Tout le monde, Sama la mamo. Tout le monde est décalé, mamo. Tout le monde est travaillé, mamo. Comme mes paloches. Tu veux boire du champagne, mon aide, mais tu touches les allocs. De toute façon, moi j'ai dit pute. Ton hut que je marque un but. On ramasse les dollars, les cochons. On touche à tout ce qui bouge, même le goût de Madame Olson. Et je me bats en finesse, puis bats avec une fichesse. Puis au plancher, dans le bolide, en mocassin. Je roule sur ces bitches et leur marcassin. Maman, j'ai des ergos. Maman, j'ai des ergos. Maman, j'ai des ergos. Même dans les favelas, la concurrence est calée au chaud dans le siège auto. Jamais en chien, corrompu comme un policier mexicain. J'suis juste refait, je t'ai jamais dit que j'étais l'homme parfait. Maman, j'ai des ergos. Maman, j'ai des ergos. Hey, maman, j'ai des ergos. Y'a des fous partout, y'a des petits gantés. Y'a des fous partout, y'a des petits gantés. J'suis fier de mon parcours, j'suis pas le brigandé. Gandé, gandé, gandé. Ils le savent, savent, qui passe au sable, c'est cave. Parfois je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. J'suis brave et j'en bats. Sky, rock, rock. Ça se balance à gauche, à droite. Et rien que ça blablate. Moi j'en ai rien à battre. Encore un classique qui nique des mœurs. Attends-toi tout cette année j'fais carnage. Vroom vroom vroom pousse-toi j'accélère. J'fais retrembler le prod au carénage. C'est la gratte, comme d'hab ça braque. Ça braque, c'est sur le T-Max. C'est max, pour tout avec la bac. La bac, arrêtez de me prendre puisque je ne suis pas. T'as voulu me faire la course mais frérot tu suis pas. En bouillon fuit pas, en poteau on sneak pas. À L.O.N. que l'on arrive. Salut tout le monde, c'est DJ Kaze. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. Skyrock. Passe de bonnes vacances. C'est Rail Suprême sur Skyrock. Passe de bonnes vacances. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau.

chômé le gilet par balle. Petit cigare, chapeau de paille. Vers le rosé, ah, je suis dry. Elle a du style, aïe aïe aïe. Elle fait trembler les vilaines canailles. Benga, benga, mi ama. Pina colada, chicha, man, si, señor. Ouai, ouai, ouai, bouge ton corps. Chemise ouverte, relax en or. Combo, merci.

tu t'appelles? Combien tu t'appelles? Combien tu t'appelles? 1, 2, 10, 100, 1000, 1 million, 1 milliard. Je ferai de toi ma reine. Je ferai de toi ma reine. Si tes yeux ne brillent que pour moi. Si tes yeux ne brillent que pour moi. Des diamants, de l'or et des perles. Des diamants, de l'or et des perles. Et de l'amour en pourboire. Ma chérie, combien tu t'appelles? Combien tu t'appelles? Mais dis-moi combien tu t'appelles? Combien tu t'appelles? Yeah. Ma chérie, combien tu t'appelles? Combien tu t'appelles? Deux heures, DJ Kaïs, t'ambiance avec tous les sons du moment. Jacquel pour m'exciter, roue arrière, y'a pas de train, je frappe dans la cité. Ça vend du shit en lamelle, et ramené. C'est toi qui fais le mac au final, tu peux ramener. Mais mes potes m'ont dit, t'es en boule d'idée. Au pire, j'mets un masque sous le casque AGB. C'est tout la LON, on dirait que la pointa. Pour les frangins qui mettent en ilangin. Normal pour les anciens, pour ces anciens qui rôdent avec le machin. Que ça parle en traite, y'a des mecs comme ça. Que des délits de pute, c'est le béton ça. Que ça peut se montrer, y'a des mecs comme ça. Que t'as aimé du vice, c'est le béton ça. Ça s'engraine, ça gratte toute la nuit. De l'ennui, ça fait des grosses peines, des beaux mètres à lui. Et j'gamberge, j'fume plus, j'oublie. Si refait en boîte, normal, comme but à bol, normal, j'passe pas la charge, normal, j'fume ma drogue, normal, en cas de poursuite, normal, j'cache la plaque, normal, père de OP, normal, en plaque sans cagoule, normal. Raptor, hardcore, et j'dors. Elle est bonne prise là, quand tu dévisages, j'ai pété le péage. C'est du Alonso dans le virage. Air, tu es trop bizarre, bouge à Ibiza. Passe-moi une brise là, elle est bonne prise là, quand tu dévisages, j'ai pété le péage. C'est du Alonso dans le virage. Braque, braque, braque, y'a ceux qui volent, volent, volent. Ça sent la pince, pince, pince. C'est quand ils volent, volent, volent. Je représente la misère, zère, zère. C'est du petit zère, zère, zère. Je trouve trop bizarre, zère, zère. C'est mon petit zère, zère. Son plein de manie, je voyais personne quand y'avait nada. Rien à foutre de temps, que la rune valide. Deux chauffe quand s'en fout à madame. Les contraires s'attirent. Minuit, deux heures, Rails Suprême sur Skyrock. Sur la chair de ma chair, j'vous encule, j'en rigole. AMG, en BG, j'ai la folle, j'ai l'alcool. À Marseille, tu commences, tu guettes, puis tu fais rentrer des tonnes. En train de cramer, j'embrasse tous mes vaillants qui sont en tôle. Y'a la vie, y'a la mort, y'a des gens bien, y'a du saut. DJ Kaïs, ambiance avec tous les sons du moment. C'est Skyrock. Skyrock. Mon ami, je dis, tu ne vois pas les

frapper mon image. Skyrock à la shit, mêlé. Fikiti, à la shit, mêlé. Oya show, Akawara. Sur Skyrock. Shut up!

Sky Suprême. DJ Case d'ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. انا وانتي جامدين بالحب وهو مش عنده بي في يدوب اللي دازو كان يكتوب حبك بردو خلاني مجنون يمتوب وانا بوحدي زعف رهبيك نسيتي كلامك نسيتي وعودك انا ليك كنشوفك في خيالي وانا في طريقي غادي صرتك قدامي حمقتيني بيبي قلبي طاح في هواك وانا عايم فيه هيه توحشك بزاف باش نفع باش نشد باش نغني باش نخرج وانتي ما بغيت وما همني ما نعيت من صبارك فهمني خاسي فلوس خاسي حاجة مرارية كيف ندي باش نباك وانا عندي ما نعيت من صبارك فهمني راني بين عشراني ولا حاجة تغلبنا وإلا كنتي ديما حاضر ديري ديك معانا يلي راسك عامر بارطاجي وعلمنا يلا نعيش الحياة Love. Yeah.

في أرضك الأمن يا سيدي الهواري سلطان الغالي وش فيني عبد الله سلطان العالية وعبد القادر يا بو على بداق الحال علي يا لو حالي يا بو على مزيد وروف عليا عبد القادر يا بو على بداق الحال علي داوي حالي يا بو على سيدي روف عليا تعوضت القليله يا نادي المبنيه قلت في حينا يا بل عشره طويله تعوضت القليله يا نادي المبنيه قلت في حينا يا بل عشره طويله وحضن القادر يا ابو على بداق الحال عليا وداوي حالي يا ابو على مزيد وروف عليا Toute nouvelle compile Planète Rap 2016.